Nous avons résolu les problèmes de famine. Nous avons résolu les problèmes de pollution. Welcome to the Blackville. Les problèmes ne survolent plus. Exit Kyoto et ses baleines. Abandonner la fonte des glaces. Des pressions, des oppressions. Welcome to the Blackville. Welcome to the Blackville. Plus besoin de les polluer. Plus besoin de LPO. Le pétrole sera bien gardé. Y'a plus personne pour creuser. Welcome to the Blackville. Welcome to the Blackville. Le soleil un jour reviendra. Pas avant une décennie. À ce moment, on avisera ressortir les bikinis. Welcome to the Blackfield. Welcome to the Blackfield. On ne me fera plus jamais chier avec l'Irak, l'Afghanistan. On refera la carte du monde, un seul pays sur ma map ronde. Welcome to the Blackfield. Welcome to the Blackfield. Regardez bien par la fenêtre. Dans 50 ans, on peut sortir. Fallait bien ça pour repartir. Juste sous-estimer mon tir. Welcome to